pour nous parler de technologie, de l'information et société, puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et cette semaine, tu nous parles de santé 2.0. Exactement. Un petit regard, en fait, sur les technologies de l'information et leur influence sur notre relation avec les soins de santé, parce que je suis persuadé que c'est le cas. Ben, c'est le cas pour moi, c'est sûrement le cas pour beaucoup d'autres gens aussi. À quel point, exemple, les réseaux sociaux et Internet ont changé notre relation avec nos petits problèmes, avec nos petits bobos, avec nos maladies. Quelle est notre réaction simplement initialement quand on a un problème de santé quelconque? Bon oui, on appelle peut-être Info Santé dans certains cas, mais dans la plupart des cas, quel que soit le problème de santé, on va sur Internet. Ah oui, vraiment, c'est docteur Internet est beaucoup plus consulté que le vrai docteur. Effectivement. Et d'ailleurs, simplement pour montrer l'ampleur de la chose, Tania, en France, il y a eu une étude qui avait été faite. Eux ont répertorié 84 sites de santé, donc simplement des sites français. Là, on exclut les Wikipédia, les forums et le reste. Simplement, ces 84 sites-là, en un mois, ils ont été chercher 16 millions de visiteurs. Donc, c'est extrêmement fréquenté. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et parallèlement, ça veut dire aussi, on parle de 16 millions sur 84 sites en France. Imaginons à l'international, donc imaginons cette demande-là répartie sur l'ensemble du globe, ça veut dire aussi qu'il y a énormément d'argent qui se brasse dans le marché de la santé 2.0, de la e-santé, comme on pourrait dire. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'industrie et de spécialistes qui vont s'intéresser de plus en plus à cette filière-là. Ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui vont aussi commencer à s'intéresser aux produits qui sont mis en marché. Aux États-Unis, ils ont même amorcé, via la Food and Drug Administration, une certaine régulation des applications santé qu'on retrouve sur téléphone intelligent, parce que ils veulent pas justement qu'on émette et qu'on crée n'importe quoi, parce que dans ces cas-là aussi, ben, la vie des gens est en jeu. Donc, si on a une mauvaise information sur Internet, si on a une application qui rend des mauvais détails, si on a une mauvaise rencontre sur le web par rapport à un problème qu'on a, ben, ça peut avoir quand même un impact assez nocif sur notre santé. Là. Et les sites de santé doivent être très lucratifs aussi, parce qu'on le sait, bon, les publicités et tout, ça peut être assez rentable pour un site Internet qui est visité régulièrement. Et surtout, parce que, bon, comme toutes les fois dans cette chronique, je me plonge dans ma propre vie, on visite souvent deux sites. Parce que c'est Internet, on le sait qu'il y a de l'information, mais c'est possible que ce soit n'importe quoi. Donc, on consulte toujours deux ou trois sites pour être sûr d'avoir les mêmes symptômes qui reviennent de fois en fois, pour être sûr de notre, disons, eye diagnostic. Mais au-delà de ces défis-là, justement, côté qualité d'information, reste que, et ce qui est aussi extrêmement important pour nous, futurs patients ou actuels patients, eh bien, c'est que ça a beaucoup de bons côtés. Pour les malades, pour les malades chroniques par exemple, un avantage qui me vient en tête, c'est l'idée de rendre possible le partage, de rompre l'isolement. Si on a un cancer, si on a une maladie rare, à une certaine époque on était seul dans notre village, dans notre ville, dans notre région, même dans notre pays, et bien subitement avec Internet, c'est possible d'aller voir des gens qui souffrent des mêmes symptômes, qui ont la même maladie, qui partagent la même réalité, et même si c'est seulement à travers des médias sociaux, du chat le reste, ben, d'une manière ou d'une autre, ça diminue quand même le sentiment d'isolement qu'on peut ressentir. Et il y a même un réseau social pour les malades qui a été mis en place, qui s'appelle Patients Like Me. Ça a vu le jour en 2004 la plateforme, en fait, dans les derniers mois, on parlait d'à peu près 100 000 membres. Donc, il y a une certaine demande là-dessus. Donc, ça réunit plusieurs communautés, justement, de gens qui ont différents symptômes et qui cherchent des gens qui ont les mêmes symptômes qu'eux pour échanger. C'est certain que ça nous renvoie à la véracité de l'information. Si on a une information X, nous, et qu'on la partage et qu'on voit qu'un autre qui a les mêmes symptômes, une information Y, ben, on va se questionner. Ça peut amener aussi quelques dérives au niveau de la médication, mais reste que ça a cette dynamique-là, justement, de rompre l'isolement, de rendre possible le partage entre patients. Donc, ce qui est quand même assez avantageux. Mais s'encourager aussi. Mais s'encourager pour passer un peu à travers tout ça, et en même temps, quand même, partager, recouper les connaissances. Un exemple qui est ressorti, certains patients qui avaient un nombre X de médicaments à prendre, finalement, après discussion avec d'autres patients qui avaient eu d'autres avis médicaux, ils se sont rendus compte que s'il prenait moitié moins de médicaments, ça avait quand même un effet adéquat et ça diminuait leurs symptômes post-médication. Donc, ils ont eu cette information-là. Les effets secondaires. Les effets secondaires, exactement. Ils ont validé avec leur médecin, bien entendu. Finalement, ils ont pu reviser leur posologie et ils sont sortis beaucoup mieux. Mais s'il n'y avait pas eu ce réseau-là, eh bien, il n'y aurait pas eu cette information-là. Et même pour les médecins aussi, ça peut devenir intéressant parce qu'il y a un partage qui peut se faire plus direct aussi entre médecins ou entre des patients qui sont peut-être un peu mieux informés. Parce que grâce au web, reste, si j'ai un symptôme X, avant d'aller voir le docteur, ben, je vais regarder sur Internet, je vais essayer de fouiller, savoir qu'est-ce que je pourrais avoir. J'arrive avec une hypothèse. Donc, le médecin aussi doit être au courant de ce qui se dit sur le web pour pouvoir accompagner un peu adéquatement son patient là-dedans. Mais je ne sais pas, par exemple, pour le médecin, comment on le vit que son patient arrive. Ouais, ben, j'ai vérifié sur Internet, puis j'aurais peut-être ça. Alors que c'est un rhume, finalement, ou tu sais, parce qu'on a toujours tendance à être un peu hypochondriaque. Il y a encore des réflexions qui sont à faire là-dessus, mais dans un forum auquel j'avais eu l'occasion de participer le printemps dernier, ce qui ressortait, c'est que c'est les médecins et les milieux de la santé à avoir éventuellement à redéfinir la relation entre patient et médecin d'un côté, mais d'un autre côté, un patient plus informé devient un patient qui est peut-être plus facile à faire participer à ses soins, donc qui peut être de plus en plus partie prenante parce qu'il comprend mieux sa maladie, comprend mieux ses symptômes, mais comprend donc mieux sa médication également. Donc, ça peut devenir plus intéressant là-dessus, mais disons que c'est encore en réflexion, du moins de ce que j'en ai perçu du milieu de la recherche autant que du milieu hospitalier. Et un autre élément aussi, Tania, qui serait à réfléchir, c'est l'utilisation des ressources qu'offre le web et qu'offre la mobilité, les téléphones intelligents dans les différents soins. Je donne un exemple, en fait, il y a une application qui existe qui s'appelle Glucose Buddy, qui est un logiciel d'accompagnement pour les diabétiques. Donc, ce qui veut dire, vous êtes diabétique, à chaque jour, vous allez prendre des mesures sur votre état de santé, vous les rentrez dans ce logiciel-là, lui fait des calculs pour vous, et s'il y a lieu, signale des alertes, des manques, des problèmes, et si votre cas est problématique, eh bien, vous pouvez également mettre ce logiciel-là en lien avec le téléphone intelligent de votre médecin. Et donc, si vous dépassez un seuil critique, votre médecin va en être automatiquement informé. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, disons qu'on a une glycémie au-dessus de 30, ça avertit notre médecin, parce que là, on est proche du coma. Puis là, subitement, ben, on a un petit avertissement sur le tour qui arrive assez rapidement. Bien entendu, en fait, il y a des questions qui sont soulevées par rapport à la vie privée ou à l'information qui est quand même rendue publique à travers des programmes comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants, ce qui fait que de plus en plus, on en réfléchit à l'utilisation, justement, d'applications comme ça autour du domaine de la santé. Je change tendance quelques autres, en fait, sur lesquels je suis tombé. Notamment MedWatcher, une application qui, elle, informe les patients sur les nouvelles et les alertes de sécurité concernant les médicaments d'ordonnance qu'ils prennent. Donc, c'est américain, par contre, donc c'est pas adapté, c'est les avis américains et pas les avis canadiens, mais vous rentrez le médicament que vous prenez, il y a des rappels, il y a des informations, ça vous est automatiquement envoyé. Quand même assez intéressant. Très pratique. Ma pharmacie mobile, qui est développée par une firme qui s'appelle PharmaGest, eux proposent un ensemble de services dont un outil favorisant l'observance thérapeutique par un système d'alerte de prise et de posologie du traitement à prendre. Vous rentrez le traitement que vous avez à prendre, lui vous rappelle les posologies, vous rappelle quand prendre le médicament, puis parallèlement peut aussi vous faire des propositions quant aux effets secondaires des médicaments. Donc pour dire, bon, OK, ça vaudrait peut-être la peine que tu prennes ce médicament-là un peu avant, celui-là un peu après, pour organiser un peu votre horaire de prise de médicaments pendant la journée. Donc, on est rendu là. Autre idée, il y a Asthma Pulse, une application d'outils de gestion de surveillance de l'asthme, par exemple, donc pour tenir au courant de notre état de santé. Il y a une application iPad aussi qui s'appelle Histoire médicale de la famille. Vous rentrez toute votre information médicale, vous faites un dossier médical informatisé finalement, wow. Et c'est disponible. Donc, vous savez répondre désormais à la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les cataractes dans votre famille? Bien, vous le savez. Vous regardez là-dessus, vous vérifiez, vous voyez les symptômes que vous pourriez potentiellement avoir. Il y a également, en fait, des applications d'échographie mobile qui sont assez dispendieuses, par contre, et même d'autres exemples, Pocket First Aid, et là, on tombe dans le très basique, si on me permet l'anglicisme, c'est pour apprendre les soins de premier secours. Donc, vous avez ça, vous êtes dans une situation où vous avez besoin, vous manquez de connaissances médicales, vous rendrez ça, vous rentrez le problème que vous subissez, puis vous pouvez avoir des trucs, des idées, des manières pour donner les premiers soins. À travers tout ça. Oh, il me semble qu'on est tellement nerveux. Là, je me vois peser sur à peu près toutes les pitons possibles, faire un appel avant même d'être capable d'ouvrir l'application. Mais mieux vaut ça que rien? Oui, entre rien et ça, c'est vrai que c'est mieux. Et même, en fait, si on pousse un peu, ça, c'est des applications qui sont disponibles pour nous individuellement, mais par contre, on peut aussi élargir un peu les possibilités de soins. Je donne un exemple, on est en région éloignée, on a de l'équipement de radiologie, on a un technicien qui est capable de faire les radiographies, mais on n'a pas de médecin. Alors, est-ce que c'est possible? C'est possible, en fait, donc c'est une question rhétorique. Mais donc, c'est possible de prendre les radiographies qui sont de toute façon de plus en plus prises numériquement, de les envoyer à un médecin et de faire une consultation par téléconférence. Donc, oui, ça ne remplace pas un médecin sur place qui fait un diagnostic, mais ça peut quand même permettre d'utiliser des équipements en région éloignée qui ne le sont pas par manque de médecins. Et à l'occasion, ben, ça peut permettre même, on cite en exemple dans certaines études, carrément des accompagnements médical à travers ça, donc un médecin conseiller qui observe un peu la situation, qui peut accompagner dans certains traitements, donner un avis si on a l'impression que le praticien manque cette spécialisation-là. Donc, on peut aller chercher plus facilement des expertises avec justement donc la télémédecine, avec les technologies de caméra, les technologies web. Et même accentuer aussi la prévention à travers le mobile. Alors, c'est un domaine extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Et je reviens un peu à ce que je disais au départ, par le nombre d'utilisations, autant que par l'intérêt de plus en plus important du milieu privé. Donc, ça va être intéressant de voir ce que nous, du côté de la recherche aussi, on va faire ressortir ces dossiers-là. À Québec, au CHUL, comme à l'Université Laval, il y a des chercheurs qui s'y intéressent. On aura peut-être l'occasion de reparler de certains dossiers au fil de l'année à venir. Mais donc, il y a des recherches qui sont faites en ce sens-là pour voir comment, justement, mieux composer avec ces nouvelles réalités-là ou mieux développer en fonction de ces nouvelles réalités-là. Mais c'est certain que la manière dont on côtoie nos problèmes de santé ont changé avec l'arrivée d'Internet, ça c'est certain. Raymond, en terminant, tu peux nous parler rapidement de l'initiative Capital Ouverte. Oui, en fait, c'est une initiative qui a été lancée par Nicolas Roberge, donc un citoyen de Québec qui travaille beaucoup dans le domaine des technologies de la mobilité et le reste. Et lui et un groupe d'autres gens, en fait, dont Félix Bégin et Xavier Jacques Côté, donc d'autres citoyens de Québec, ont lancé cette initiative-là. Donc, pour essayer d'avoir une ouverture de données à Québec, il faut dire qu'on a parlé beaucoup au fil de nos chroniques, Tania, justement, de cette nécessité peut-être grandissante de la part des gouvernements de rendre accessibles certaines données pour que les programmeurs, les développeurs puissent les utiliser et créer des applications, des utilités à ces statistiques-là, à ces informations-là. Et donc, eux veulent que la Ville de Québec rentre dans ce bateau-là et commence justement à proposer une certaine ouverture de données. Alors, je trouvais intéressant de signaler donc cette initiative citoyenne-là. Ils disent en fait, donc, je cite, l'objectif de Capital Ouverte est simple. Une fois que les données non nominatives colligées par les différents organismes publics ont été utilisées pour produire des analyses, éclairer les interventions de la municipalité. Elles peuvent être rendues disponibles gratuitement dans des formats ouverts pour les développeurs d'applications. Alors, c'est ce qu'ils demandent. Je n'ai pas encore vu d'autres réactions suite à ça, mais eux se promettent justement de faire quand même plusieurs représentations au fil des mois à venir. Et notamment, ils comptent faire une assemblée publique le 14 septembre prochain à 19h au quai des Cageux, sur la promenade Samuel de Champlain. Alors, si jamais ça intéresse les gens, il y a également un blog. Vous avez simplement à aller sur Google et voir donc données ouvertes Québec. Vous devriez tomber là-dessus assez facilement. Ou via le site de l'ITIS dans nos vieilles revues de presse, donc itis.ulaval.ca. Vous allez aussi retrouver tout ça et plus, et également les informations autour de la santé qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et on peut réentendre ces chroniques? Oui, exactement. Toujours via le site de l'ITIS. Vous allez chercher dans l'espace média, vous allez voir le logo de CKRL. Vous dirigez là-dedans et vous allez pouvoir réécouter cette chronique ou les précédentes si vous venez de découvrir cette sympathique collaboration qu'on vous propose à chaque lundi. Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.